sans relâche. Parsemé trop traite ou trop de lâche, faut que je la nique avant qu'elle me lâche. Comme antilope, faut pas que j'allèche, qu'elle me ramène maille et succès. Nos rimes poussent à l'excès. Un avenir trop succinct pour ceux qui y trouvent pas l'accès. Une journée remplie de soucis, comme toutes celles déjà passées. Y'a qu'une seule chose que j'espère, c'est que nos vies sont pas tracées. Pas comme celles des batraciens, pour vivre mieux faut se battre aussi. Comme les anciens se remuer et pas faire le pitracif. 22 ans c'est peut-être assez pour vivre une vie trop tassée. Pourtant c'est l'accès, le moins taxé, toujours le plus exaltant. Et si nous textions aujourd'hui, c'est sur ça que je mettrai l'accent. Mate la texture que j'enduis, j'lâche un texte trop relaxant. Apocalypse au mic, pur style de rime ex-screamer. Jamais ex-streamer, écrit pour les adultes et les mineurs. Dans la vie faut pas se miner, même si elles sont trop calcinées. Marre des galères de genre, je m'en suis déjà trop coltiné. Comme Cold Silver c'est inné, comme ces cascades au ciné. Rêve de trouver ma destinée, comme certains l'ont dulciné. AXS. Y'a plus de temps mort, amour et émotion mis de côté. Mon taf est sans relâche, pour ma mi-fa, je dois être une fierté. En permanence, je cherche toujours à me distinguer. Mon horloge est carrée, seuls mes remparts peuvent la dérégler. J'avance comme ça, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. De plus dans ce monde, j'ai vu que seuls les plus riches n'ont pas de problème. Alors j'évite les missions les moins concrètes. Les moins lucratives qui font qu'on se prend la tête et qu'on se gratte. Free the spi, et elle tèche les gens vers le divorce. Les sentiments sont aussi rapides qu'une course de gay divers. Ça va trop vite, et j'ai pas la couleur adéquate. ATK, ATK, ATK, m'appelle pas et je m'inquiète. Je m'en bats la race, et je reste constant comme un Kenyan, au max c'est fixe, n'avoue toujours à fond comme Joël Kinyou. Sans relâche, dis-moi de m'assurer sur le sol, ma trace. Sans relâche, à mes trousses comme si la vie me chasse. Sans relâche, route comme si la vie me shoot d'un flash d'un cliché, dans un effort à jamais figé. Sans relâche, dis-moi de m'assurer sur le sol, ma trace. Sans relâche, à mes trousses comme si la vie me chasse. Sans changer la route comme si la vie me shoot d'un flash d'un cliché, dans un effort à jamais figé. J'reste sans relâche, mehlich, même riche, pense à mes potes déjà partis. Ceux qu'on pompe sous le parka, ceux que la vie éparpille. Ceux qui rêvent de barga et qui parlent peu, sans relâche. Comme les schmitts qui chouettent de leur véhicule, gentil devant mais en cul. Et on colle les feuilles et le pollen, introuvable à la fouille. Et même royal, dérouillé en cas d'embrouillard. Dans le brouillard, au passage des patrouillards, rien que du sang froid, pas de trouillard. Pas trahir les siens, on a ça dans le sang, la justice rare comme un son de Dixa dans le sang. Prestige, cousin. Une putain de vie sans relâche, un putain qu'faut pas que je lâche. Mes mots faut pas que je mâche, mec, faut que je remplisse ma tâche. Pas de jour de repos, donc pas de répit. Envahi par les képis, donc pas de chibi. Et par dépit, beaucoup ont connu le dépôt, manque de peau. Au départ, commencer par vendre des bars pour financer son départ. Sans sortir nos pétards, risquer d'être mis à l'écart. Et peut-être on tira, mais si le futur est gris, sache que jamais on partira. Jamais on partira. Dis-moi de m'assurer sur le sol, ma trace. Sans relâche, à mes trousses comme si la vie me chasse. Sans relâche, ma route comme si la vie me shoot d'un flash d'un cliché, dans un effort à jamais figé. Sans relâche, dis-moi de m'assurer sur le sol, ma trace. Sans relâche, à mes trousses comme si la vie me chasse. Sans relâche, ma route comme si la vie me shoot d'un flash d'un cliché, dans un effort à jamais la figé. La merde me colonnée, et j'ai pas tant à perdre comme Colonna. Histoire déloyale, regarde Godzilla face à Jean Reno, Goliath à David. Mais nique Sarah, j'aurai le dernier mot, je veux pas sombrer comme Nemo. Une vie sans relâche, les frères disent lâche. Chasse au ceinturon, pas de temps mort. J'ai peur du millénium comme Timur face à l'apocalypse, cousin. Rares sont les téméraires pour ceux du banc d'en bas, toujours les mêmes horaires. Donc c'est la vie, tout est celle de ce muslim à tel avis. Fut très pieux, pas de répit, on se plonge dans les bras d'Orphée. Faut pas que mes conneries m'ont l'orphelin, ma mère, ma chérie. Manque de poche, je serai pas maréchal. Pas de rentre sur ses chaînes, ni rentre over, vu que mes rêves s'orangent. Faut pas que mon étoile s'éteigne, que les miskins s'esclavent et qu'il me reste juste mes vieilles stan, esquive le chétan. Je le raconterai comme un survivant du Vietnam. Une larme à l'œil devant les crimes atroces. Faut que je sois speed, donc je suis à la trace comme les agents de Matrix. Sur le sol, ma trace. Sans relâche, à mes trousses comme si la vie me chasse. Sans relâche, ma route comme si la vie me shoot d'un flash d'un cliché, dans un effort à jamais figé. Sans relâche, dis-moi de m'assurer sur le sol, ma trace. Sans relâche, à mes trousses comme si la vie me chasse. Sans relâche, ma route comme si la vie me shoot d'un flash d'un cliché, dans un effort à jamais figé. Sans relâche.